Chapitre 15e. Je suis un plus vil pécheur que vous tous. 8 heures, 9 heures, 10 heures sonnèrent et sœur Gaspard et sa fille étaient toujours assis dans le salon jaune, attendant l'arrivée de Godfrey. Marcia, assise tranquillement, paraissait perdue dans une profonde rêverie. Elle n'aurait pu simuler aucun prétexte d'occupation frivole dans un tel moment. Son imagination se faisait une épouvantable solennité de l'entrevue qui allait avoir lieu entre Godfrey et son ennemi le plus acharné. Après les diverses voies que ces deux hommes avaient suivies, ils allaient se rencontrer la fin à cette heure effrayante où toute colère humaine, tout mortel désir de vengeance, doivent mourir sous l'influence terrible de la mort. Ah, assurément, la main de Dieu apparaissait très palpable dans les événements de ces derniers jours, dans lesquels Godfrey Pierrepoint avait été ramené de l'extrémité de l'Europe par la folle imagination d'un amoureux, tandis que le sombre cours de la vie d'Holroyd avait été arrêté par la main d'un assassin. Sir Gaspard rejetait tour à tour ses journaux et ses magazines dans l'agitation de son esprit, pendant que les heures solennelles de cette longue soirée avançaient doucement. Il jetait de furtifs regards de temps à autre sur sa fille, cherchant à pénétrer les mystères de son cœur. Quelle impénétrable créature elle est! Je croyais qu'il y avait un amas solide de glace dans son sein, à la place où les autres femmes ont ce qu'on appelle un cœur. Et elle a aimé mon vieil et cher voyageur africain tout le temps. Pourquoi tous les deux ne se sont-ils pas confiés à moi? Je suppose que Pauncefort a craint que sa pauvreté ne fût un obstacle. Il est aussi extravagant que Don Quichotte. « J'ose le dire. Et il ne demandera jamais une femme en mariage à moins de pouvoir produire un millier de livres de son côté, pour chaque millier de livres du sien. Je pense que je dois m'occuper de cette affaire, car si mon ami africain et Marcia veulent s'épouser, je serai libre de convoler avec la charmante veuve. » Après avoir parcouru et écrémé ses journaux et ses revues, Sir Gaspard s'arma de courage pour s'adresser à sa fille. « Marcia, dit-il, comment se fait-il que Pauncefort n'ait pas le nom de Pauncefort après tout? Vous venez de parler de lui comme Pierrepoint tout à l'heure, lorsque vous avez parlé au pauvre Holroyd. Son nom est Pierrepoint, papa. Il m'a dit son véritable nom, et je n'ai pas le droit de trahir ses secrets. Mais pourquoi aurait-il des secrets? Pourquoi prendra-t-il un nom qui n'est pas le sien? A-t-il des dettes, et est-ce pour se cacher de ses créanciers? Oh non, non! Alors de qui le gaillard se cache-t-il? De personne, papa. Je vous en prie, ne me questionnez pas sur M. Pierrepoint ce soir. Le secret qu'il m'a confié comprend l'histoire de sa vie, qui est une très triste histoire. Vous le verrez ce soir, j'espère, et si vous le questionnez vous-même, je pense qu'il se confiera à vous. Croyez-moi, papa, c'est un brave et honorable homme, et le mystère qui entoure sa vie ne vient d'aucune faute de sa part. « Je puis difficilement croire cela, » répondit Sir Gaspard, « et je ne vous ferai plus qu'une question. Pauncefort ou Pierrepoint, ou n'importe quel nom vous voudrez bien lui donner, vous a-t-il demandé en mariage ?»« Jamais, papa. Diantre, » pensa le baronnet, « je dois voir à tout cela. Je ne voudrais pas jouer le rôle du Deus ex machina. Une fille émancipée et une veuve vive et animée ne peuvent aller ensemble. » Il était près de 11 heures lorsque Pierrepoint rentra à l'ermitage où il trouva le groom de Sir Gaspard qui l'attendait. Il avait erré dans le voisinage, peiné de quitter l'abri de cette retraite boisée dans lequel il avait, pour la première fois, appris à aimer une bonne et noble femme. Cet abri solitaire lui était très cher, et quoiqu'il n'eût aucune espérance de revoir Marcia, il trouvait une difficulté inexprimable à s'en arracher. « Mon exploration en Asie m'est défendue, » pensait-il. « Il faut que je supporte mon existence parmi le bruit et l'éclat de la civilisation. »« Douce et champêtre Angleterre, terre bien-aimée qui la possède, tu ne peux être un foyer pour moi. Laisse-moi au moins errer un peu sur toi avant de te dire adieu. Je vais parcourir tout ce qui entoure cette maison pendant un jour ou deux, puis je partirai sur la longue étroite route du Nord qui mène à Pierrepoint. » J'aimerais revoir l'église dans laquelle mon père et ma mère sont enterrés, et le jardin où j'ai joué quand j'étais enfant. Personne à Pierpoint ne reconnaîtra rien du gamin qu'ils ont connu. » Encore une fois, le hardi marcheur sortit donc de Scarsdale dès l'aube froide du matin. Encore une fois, l'infatigable voyageur foulait les sentiers désolés des fougères de la commune sous un soleil d'automne et prenait ses chétifs repas dans de solitaires hôtelleries où un voiturier, un conducteur de bestiaux, revenant à pied chez lui de quelque marché d'une ville éloignée, était ses seuls compagnons. Encore une fois, Godfrey Pierpoint, l'exilé, sentait le souffle des brises anglaises et regardait tendrement en haut le froid ciel bleu anglais. Que de peine n'avait-il pas prise durant ces quelques jours pour éviter tous ceux qui le connaissaient. Il n'avait entendu l'histoire de l'attentat du bois de Scarsdale que par Dame Thursgood, la sourde, qui lui avait donné une effrayante vision du malheur qui avait frappé l'eau de Sir Gaspard et qui n'avait pas pu lui dire le nom de l'infortuné gentleman. « Je pense que c'est un nom commençant par O, oh, » dit la vieille femme, « Horry ou Horoy ou quelque chose de ce genre, mais j'entends si difficilement. » Pierpoint ignora donc complètement le voisinage de son ennemi. Le tonnerre tombant à ses pieds par un ciel serein ne l'aurait pas plus étonné que la nouvelle qu'il reçut du groom de Sir Gaspard Denniston. Monsieur Leroyd était mourant, et il était très désireux de voir M. Pounceforth avant qu'il fût trop tard. Voilà ce que le domestique avait dit, et en outre de ce message, il y avait un petit billet de Sir Gaspard contenant ces quelques lignes. « Cher Pounceforth, le pauvre Leroyd n'a que quelques heures à vivre. Il désire vous voir et parle d'une expiation pour quelque grave injure qu'il vous a faite. Je suppose que ce n'est que la folle imagination d'un mourant, mais il serait honnête à vous de venir. Votre G.D. « Combien est-il de temps que vous avez quitté l'abbaye ?» demanda Godfrey. « Je vous attends depuis 7 heures, monsieur. Voulez-vous prendre mon cheval, monsieur ? Il est scellé et tout prêt. Vous l'amènerai-je ? Oui, j'irai à cheval à l'abbaye. » Ce fut tout ce que dit Godfrey Pierpoint. En moins de 5 minutes, il était monté sur le cheval du groom et galopait le long de la route sombre par laquelle Arthur Holroyd avait quitté l'abbaye. Il trouva la porte du parc ouverte. On avait recommandé à la femme de la loge de veiller sur son arrivée. « Une expiation, pensa-t-il. Quelle expiation peut-il m'offrir pour ma vie flétrie ?» Il vit les croisées du salon et de la bibliothèque éclairées comme il s'arrêtait pour descendre de cheval au bout de la terrasse à l'occident. Un homme, au bruit des sabots du cheval, accourut du fond de l'écurie et le débarrassa de sa monture. Toutes les dispositions avaient été prises pour faciliter son arrivée et les domestiques étaient tous empressés à le recevoir. Une des portes vitrées du salon s'ouvrit comme il posait le pied sur la terrasse, et l'entendit la voix de Sir Gaspard dire « Est-ce vous, Pounceforth ?» Une minute après, il était dans le salon éclairé. Ses yeux furent éblouis en sortant tout à coup de l'obscurité. Il eut à peine le temps d'avoir conscience de la présence de Marcia avant que le baronnet s'empressât de le faire sortir de la pièce. « Venez voir le pauvre garçon tout de suite, » dit Sir Gaspard. « Hills me dit qu'il vous a demandé tant de fois pendant la soirée. » Il n'y eut aucune pause d'un instant pendant laquelle Pierpoint put recueillir ses pensées avant d'être introduit dans la chambre où son ennemi mortel se mourait. Son ennemi mortel. Oh, comme ce brillant Arthur Holroyd, qui avait fait tant de mal sur la terre, était alors une créature faible et impuissante. Quel sermon on aura pu faire sur la misérable fragilité de l'humanité si un éloquent prédicateur eût été là pour l'entreprendre? Le pauvre Winstanley Sillbrook n'était pas éloquent, il n'était que bon et sincère. Il était resté assis dans un coin près du lit à lire et à prier, avec une admirable patience et une grande dévotion toute la soirée, et n'avait éprouvé aucun sentiment de fatigue. Combien de ces diverses paroles étaient-elles tombées sur ce cœur obstiné sans trouver d'écho? Et jusqu'à quel point la merveilleuse sagesse de l'approche de la mort avait-elle illuminé l'âme du pécheur? C'étaient des questions que le curé ne voulait pas se poser et auxquelles il n'aurait pu répondre. L'apôtre a ses faits lorsqu'il a semé et arrosé, et à Dieu seul appartient l'issue de la moisson. En ce moment, les sentiments de vengeance de Godfrey disparurent de son esprit, comme si une forte mer les avait engloutis. un être plus puissant que lui avait pris dans sa main la destinée de Holroyd, et sa mortelle vengeance s'enfuit frappée d'effroi en présence de la divinité. « Asseyez-vous là, » dit le mourant, « et que tout le monde sorte de la chambre. » Curé, garde, docteur et valet de chambre disparurent comme des ombres obéissantes, et Godfrey Pierpoint resta seul avec le séducteur de sa femme. « Je ne vous ai point envoyé chercher pour vous demander votre pardon, » dit Holroyd. « Il y a des offenses qu'on ne peut pardonner, et celle que je vous ai faite est de ce nombre. Je me suis dit que vous étiez chrétien, et lorsque je serai mort, vous tâcheriez de m'oublier. Je ne puis rien faire pour racheter le passé. Pour le présent, je pense que je puis quelque chose. Si vous étiez libre de prendre une autre femme et de vous créer un autre foyer, auriez-vous quelque inclination à le faire ? Dieu seul sait combien vous me torturez en me faisant une telle question, dit Godfrey. Oui, si j'étais libre, je choisirais une autre femme. Je chercherais à me faire un autre foyer. Alors épousez la femme de votre choix, demain, si cela vous fait plaisir, Godfrey Pierpoint. Votre femme est morte depuis plus d'un an. Ma femme, morte? Comment l'ai-je vue ici, dans cette maison, l'année dernière? Non, vous ne l'avez pas vue. Vous avez vu sa sœur jumelle, Léonora Fane, qui a joui de votre pension depuis la mort de la pauvre Caroline. Oh Dieu, peut-il y avoir une telle infamie dans le monde? Oui, répondit Holroyd, la nécessité est très infâme. Vous avez été un homme heureux, tout vous a réussi depuis votre jeunesse. La fortune vous est arrivée lorsque vous étiez encore novice, pur et honnête. Moi, je l'ai attendue toute ma vie, et chaque année d'attente m'a rendu plus mauvais que je n'étais l'année précédente. Vous rappelez-vous ce que dit le poète Cowper le Fou ? Il y a quelque part dans l'espace infini un monde qui ne roule pas sur le territoire de la grâce. Tel est, Godfrey Pierpoint, l'espèce de monde dans lequel vivent les gentlemen sans le sou. Vous êtes riche et je suis un aventurier. L'homme riche est la proie de l'aventurier et je vous exploite. Je suis mourant maintenant et je puis me permettre d'abattre les cartes que je ne puis plus tenir. Je ne sais si je suis fâché de ce que j'ai fait, mais je suis honteux de ma bassesse. Je suis un anachronisme, monsieur Pierpoint. J'étais né pour être un brigand distingué, la terreur et l'admiration de l'Europe Moyen-Âge. La société moderne m'a obligé à être un scélérat et un intrigant vulgaire. Mais je ne dois point faire d'argumentation. Un homme qui a reçu un coup de feu au travers des poumons n'a pas de temps à perdre en digression. Même à ce moment, il avait un air de gaieté. Il était tellement dans sa nature de prendre les choses facilement que même la main de la mort était à peine assez forte pour réprimer la légèreté de ses manières. « Votre femme, Caroline Pierpoint, mourut à Naples, » dit-il. Elle avait décliné depuis quelque temps, et sa sœur l'avait suivie de ville en ville, dans l'espoir de conserver une vie qui lui rapporterait 500 livres sterling par an. Je l'ai rencontrée à Ancône, et je vis le dangereux drapeau rouge sur les joues de Caroline, et sus qu'elle mourrait de consomption. Je pense que les deux sœurs s'aimaient, et que Léonora était réellement malheureuse de perdre Caroline. Je la rencontrai un soir, après que le docteur venait de prononcer la condamnation de votre femme, et elle me parla d'elle et de son avenir. Lorsque Caroline sera morte, je n'aurai en perspective que la maison de travail, dit-elle. Je pourrai traîner mon existence comme gouvernante pendant quelques années, si je puis trouver quelqu'un qui consente à me garder avec le caractère que je sais me donner, et lorsque je serai vieille, il y a la maison de travail. Elle dit encore beaucoup de choses sur le même ton, et je fus réellement peiné pour elle. Si j'avais été riche, je l'aurais aidé de ma bourse, et je l'aurais quitté heureux, en ayant conscience de ma propre bienveillance. Comme je n'avais pas un billet de 5 livres, que je puisse dire à moi, je ne pouvais l'assister qu'avec mon cerveau, et en agissant ainsi, je commis un crime. Voilà la différence de la richesse et de la pauvreté. Tout ce que vous remarquez est parfaitement vrai. « Ma chère Madame Fane, dis-je, vous seriez pauvre si Caroline mourait. »« Mais pourquoi Caroline mourrait-elle ? Pourquoi M. Pierpoint, qui lui a assuré pendant sa vie une rente de 500 livres sterling, laisserait-il Madame Fane, qui n'a pas 6 pence par an, se lamenter de sa perte ? Spécialement lorsque Madame Pierpoint et Madame Fane se ressemblent si parfaitement que très peu de leurs meilleurs amis peuvent les distinguer l'une de l'autre. Ne vaudrait-il pas mieux que ce fût la pauvre Madame Fane qui mourut de consomption et que M. Pierpoint vécut dans le plaisir, heureuse de la rente qui lui serait payée par les hommes d'affaires de son mari, qui est l'homme le plus simple et le plus crédule de la chrétienté, et qui n'a jamais moisi dans un cabinet d'affaires. Madame Pierpoint, qui n'a jamais été connue sur le continent que comme Madame Harding, a mené une vie si errante ces derniers temps que les maîtres d'hôtel qui l'ont reçue chez eux doivent à peine connaître son nom. Pourquoi n'irait-elle pas dans des endroits où les médecins et les hôteliers la recevraient comme Madame Fane, et où, s'il doit mourir, elle mourrait et serait enterrée sous ce nom? Je suppose que vous comprenez maintenant le complot, Monsieur Pierpoint. Oui, répondit Godfrey tranquillement. Je suis fâché que vous ayez pris tant de peine pour me tromper. J'aurais été heureux d'acheter ma liberté avec 500 livres par an. Ah, nous ne pouvions en être sûrs, vous savez, répondit froidement Holroyd. Nous vous aurions rendu votre liberté avec grand plaisir, si nous avions su que vous l'eussiez payé si grandement. Notre petite conspiration fut très facilement menée. La pauvre Caroline fut conduite à Naples, où elle était trop malade pour quitter sa chambre. Léonora la soigna avec le dévouement d'un ange ou d'une sœur de charité. Mais elle eut soin de faire croire aux médecins et aux personnes de l'hôtel que la malade était Madame Fane, la veuve d'un officier de l'Inde. Naturellement, si le docteur arrivait à appeler sa malade par son nom, ce serait la méprise du plus stupide des hommes, et il ne serait pas digne de donner des soins à sa chère Caroline. Elle mourut 15 jours après son arrivée à Naples et fut enterrée sous le nom de Léonora Fane. Sa sœur quitta cette ville immédiatement après sa mort et eut soin d'éviter les anciens lieux où on les avait vus ensemble. « Mais grand Dieu !» s'écria Pierpoint. « Et la cicatrice qui, je me le rappelle, était sur le bras de Caroline. Un jour que je parlais à la femme qui prétendait être ma femme, quelques différences à peine perceptibles, l'intonation d'un mot frappa mon oreille, et pour un instant, je m'imaginais qu'on m'avait trompé. Mais quand je saisis le bras de cette femme, je vis la cicatrice qui m'avait été familière sur le bras de ma femme. Holroyd leva les épaules. « C'est très possible, » dit-il avec indifférence. « Léonora est une femme étonnante, et on ne peut supposer qu'elle se serait laissée déjouer par une chose aussi peu importante qu'une cicatrice. Et maintenant que la tromperie que j'avais imaginée a duré un peu plus d'1 an, j'espère que vous me direz quelque chose de généreux avant que je meure. » Pendant quelques minutes, il y eut un profond silence, pendant lequel Pierpoint resta assis sans remuer près du lit du mourant. Cependant, peut-être, pendant ce silence, une ardente prière était montée au ciel, plus efficace qu'aucune de celles qu'eussent pu être dites tout haut, devant le genre humain assemblé. Après cette silencieuse prière, Godfrey se retourna vers son ennemi. « J'espère que Dieu vous pardonnera aussi complètement que je le fais, Arthur Holroyd, » dit-il.